Le pendule, pis la timing dead. Des couches pas du. Peu importe, yo, gros rythme pour 100 pour produit. Pis tu stresses dans ton 4 pièces. T'aurais 2500 ml si t'avais 4 piastres. Tu ferais 4 pièces si t'avais 30 canis. Mais c'est rare, pis chasson en taille nos rouleaux 4 pouces. Pis tu stresses dans ton 4 pièces. T'aurais 2500 ml si t'avais 4 pièces. Tu ferais 4 pièces si t'avais 30 canis. Mais c'est rare, pis chasson en taille nos rouleaux 4 pouces. Je m'habille au Dollarama, je me nourris au Dollarama. Je connais tout le monde qui travaille de jour ou de soir au Dollarama. Je m'habille au Dollarama, je me nourris au Dollarama. Je connais tout le monde qui CFME 91.9 FM, la radio du Festival de musique émergente. Plus que des semaines, ça fait des mois qu'on attend ça. Tout un port en région pour squatter la station. Autant d'animateurs que des questions en un quart d'heure. C'est ça que t'auras des dents à 70%. Ville de Rouyn-Noranda, tout est là pour toi. Pis tu l'auras des dents à 70%. Ville de Rouyn-Noranda, tout est là pour toi. On s'est brossé les dents pour 70%. Ah, de toute beauté. Merci beaucoup. On peut applaudir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on est tout plein en studio, on va y mettre la vie. On est à 70%. Ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est le thème, la chanson thème qui a été composée par deux folles et un banjo, deuxfolles.com. On est très content qu'ils soient avec nous à Rouyn-Noranda pour le FME et surtout qu'ils nous a rejoué leur charmante chanson. On a eu un très beau show tantôt et je veux commencer l'émission en remerciant de tout cœur et vraiment sincèrement notre bon chum Dr V qui a permis à nos deux amis de Montréal de s'exprimer devant une foule dans un contexte fabuleux, sérieusement, devant les le garage en arrière de l'église. Devant le garage en arrière de l'église. Qu'on ne peut pas toucher, d'ailleurs. On ne peut pas toucher. C'est un contexte vraiment qui fait très FME. C'est comme off FME, on te dira. Off FME. Ouais, mais voilà. Là, en tout cas, on te dira avec un air un peu réprobateur. Ça existe et c'est de toute beauté. Bravo à toute l'organisation. Bravo à Dr. V et aux deux techniciens sympathiques qui ont permis à nos deux folles de s'exprimer. Deux folles et un banjo. J'ai encore une fois beaucoup de difficultés avec votre nom parce que vous êtes pas folle. En tout cas, jusqu'au dernier. Mon nom, c'est Tommy Godette. Vous êtes à cette troisième de 70% direct du FME de Rouyn-Noranda. Si vous nous écoutez live, vous syntonisez le 91.9 et vous faites partie du pourcentage de la population de Rouyn-Noranda qui connaît son shit. Sinon, ben, je suis en studio et je ne suis pas seul. Très content d'avoir les deux folles. J'en ai parlé. Élise est là encore. Il y a Gluin et sa Maria. On lui fait salut. Eux autres, ils parleront pas. Il y a Geneviève là-bas non plus. On la salue bien bas. Déjà, la tension entre Bruno et Geneviève se fait sentir. Bruno, comment ça se passe de ton bord pour asseoir? J'ai beaucoup de ratés. Et puis, je vais vous parler de la difficulté là, avec l'amour. Là, Love me tender, ça ne va pas bien. Rien ne va plus. Et voilà. Et puis, ben, sinon, de l'autre côté, Andy Jacques qui vient nous rejoindre. Salut, Andy. Comment ça va? Ben, écoute, nous autres, on a deux déjà dans le corps. Toi, c'est ta première. C'est toi qui es fringant. Fait que si on goal pas à soi, c'est toi qui rattrape. Ah, ça va bien aller, je pense. C'est bon. Est-ce que t'aimes ça, la pression? Non, moi, je roule sur la pression. Ouais, à date, t'es pas très bon. En tout cas. Sinon, tu vas nous parler de quoi ce soir? Ce soir, on est en temps d'élection qui s'en vient bientôt. C'est vrai. Donc, je suis là ce soir pour vous rappeler ce que vous devez faire par rapport au gouvernement. Et voilà. Wow. Sinon, ben, on continue segway. On s'en va vers Jean-Patrick Berthiaume, le directeur du LSD. Tu nous parles encore de Camille Samson ce soir. On continue la rétrospective. Entendu. Puis, peut-être mentionner aussi un petit mot à propos du Parti Renaissance à nouveau. Et voilà. Fais attention de parler dans ton micro. Oui, c'est pas la désolé. Première fois qu'on t'en parle, toi. Ouais, tu peux le tourner. Tu peux tourner autour du micro comme ça. Il parle de la show, mesdames, messieurs, comme un novice. C'est signe de ses premières fois. Oui, tout à fait. Et sinon, ben moi, de quoi je vais parler? De rien. J'ai rien qui m'a brossé. T'as rien préparé? Ouais, ben, t'as dormi une bonne partie de la journée. Ouais, oui. Ouais. Ben, j'ai préparé des tunes et j'ai fait des recherches. J'ai Jordi, il y a les boules. Et sinon. Elle est bonne, cette tune-là. Sinon, ben j'ai mon bon chum. Gilles. Ouais, mon bon chum. Gilles. Oh yeah! Non, mais écoutez, il est gêné. Puis c'est Gilles, il est pas fiable. Ils sont ici en studio. Ils vont. le pas fiable, ben écoute, c'est les pas fiables et on prend ce qui passe. Ils vont venir nous jouer des classiques du terroir Abitibi tantôt. On a un show vraiment chargé pour cette troisième au FME, à CFME. Je suis très, très, très content. Sinon, ben j'aimerais passer peut-être sous le pour commencer l'émission, je veux Maurras, là, c'est. Ils ont brandé des poutines au nom de vieux chanteurs. C'est débile, folk, hein? Weird, hein? C'est quand même assez weird. La poutine à Tibi, il y a même le seul rapper qu'on a fait au Québec qui est rendu avec sa propre poutine. Est-ce que c'est Candida bien ou c'est pas bien? D'ailleurs. Ah ouais? Oui. Anneau d'Agé. D'ici. Puis sa campagne électorale, c'était justement la chanson La bite à Tibi. Ah, ben ça, c'est Raoul Duguay. Oui. Ouais. OK, mais on parle de Anneau d'Agé, là, le rapper. Désolé, parce que c'est parce qu'il y en a une autre poutine pour. Raoul Duguay. Ouais, la poutine à Tibi. La poutine, oui. C'est pas mieux quand on l'entend. c'est comme pas hot quand je l'ai lu, c'était pas hot quand je me suis entendu la dire et là, on l'entend c'est confirmé. D'une tierce c'est personne. Ça veut pas dire que ça goûtera pas bon. Et d'ailleurs, non, félicitations à une entreprise locale qui essaie de brander ses affaires autrement que santé et pour toute la famille. Et d'ailleurs, j'ai pris le... Non, mais c'est vrai. J'ai pris le Lover, le burger à 3 étages. Et jamais de toute ma vie en restauration, dans mon expérience dans un restaurant, et j'ai le tour de taille qui prouve que j'étais là souvent, jamais je n'ai vu une photo qui ressemblait autant au produit final que j'ai eu. Puis je te l'ai dit, c'était quoi que ça voulait dire? Ils sont pas assez forcés pour la photo. Ouais, mais je suis pas d'accord avec toi. Ah. Moi, j'aime mieux le... Tu sais, on prend pas de crap, puis on te donne pas de crap non plus. On est à Rouyn-Noranda, ma ville préférée au monde, pendant l'été. Et on va commencer avec une excellente chanson des Deux Folles avec un banjo. Vous allez nous interpréter quoi, là, mesdames? Ben, tu t'as dit une excellente chanson, on le sait pas encore, parce que c'est une nouvelle chanson. Là. C'est une primaire. Mais t'as dit tantôt que c'était la meilleure. Vous allez déchirer l'hymen de nos oreilles avec ça. Là. On jase de même. Alors, là, tu nous mets de la pression. Là. Allez, ben, en tout cas, ça s'appelle Gino l'escargot. Oui, Gino l'escargot. Ça existe. Vous êtes à 70%. Vous écoutez Deux Folles et un banjo. Deuxfolles.com. Mesdames, c'est à vous. 2, 3, 4. C'est quand tu veux, René. C'est toi qui commence. Non, tu es... Take it off with les délits. Vas-y, je t'ai... c'est la première fois, hein? Spoiler! 2, 3, 4... Gino l'escargot avait le plus beau des chapeaux, un sombrero qui, bien que beau, était beaucoup trop gros. Mexicain d'origine italienne, c'est de la salsa qui coulait dans ses veines. Oh, Gino l'escargot, oh, Gino l'escargot. Gino voulait le plus époustouflant des chapeaux. Le lestar de somptueux joyau en fit une œuvre rococo. Il n'était pas très très brillant, mais c'était lui le plus luisant. Oh, Gino l'escargot. Oh, Gino l'escargot. Gino. L'important c'est pas la moustache. Gino. Mais le mollusque qui s'y cache. De ne pas passer incognito. Tout de go, une chaîne stéréo. Il n'était pas le plus rapide, mais c'était lui le plus humide. Oh, Gino l'escargot. Gino l'escargot. Gino l'escargot, se souciant d'être le plus beau, il fit poser un éclairage à son chapeau déjà très large. Il peaufinait tous les détails car tout se trouve dans la tiraille. Oh, Gino l'escargot. Oh, Gino l'escargot. Un peu trop en volant des retenir toute la grandeur de son délire. Oh, mort sous son chapeau. Oh, Gino d'Escargot. Pas vite du cerveau, ça se règle pas avec un chapeau. Non, Gino l'Escargot. Ah oui, c'est. Merci beaucoup, mesdames. Ça commence un troisième 70% au FME. De fabuleuse façon. Sans plus attendre, on poursuit dans l'émission. On remercie beaucoup les deux folles qui vont laisser la place à Gilles et les pas fiables. On va peut-être vous revoir demain. Sinon, mesdames, on vous souhaite un excellent festival. Bon, on a pu vous voir off. Sinon, ben, ça va continuer sûrement toute la soirée. Ah oui, toute la soirée. On venez sur le site, il y a des merveilles à bout de champ partout. Ouais. Là-dessus, quelques clips ou deux, puis on revient à 70%. Ça va être Bruno, Love Me Tender. Love Me Tender. L'élan d'Amérique est souvent appelé orignal au Canada français. Voici la femelle de l'élan avec son petit. À peu de distance se trouve le mâle, dont quelques spécimens adultes peuvent peser jusqu'à 1800 livres. La moyenne, cependant, se situe autour de 1000 livres. Ces animaux, les plus gros de la famille des cerfs, se retrouvent dans toutes les forêts canadiennes. Ils se nourrissent de plantes aquatiques ainsi que de ramilles et de feuilles de plusieurs arbres. Sur terre, leur résistance est remarquable et dans l'eau, ils sont de robustes nageurs. De plus, ils sont rusés. Par exemple, ils ont l'habitude de se miner face au vent, puis de revenir sur leurs traces avant de s'accroupir pour la nuit, amenant ainsi leurs ennemis éventuels à suivre leur piste vent arrière. Pour se mieux documenter au sujet de l'élan d'Amérique, il suffit d'écrire au Service canadien de la faune à Ottawa. Love me. Tender, love me true, I'll bring those fulfilled. Oh wow! C'était mon cadeau, Bruno, parce que je t'aime. Oh damn! Bravo! Merci. Jean-Patrick a fait ça tantôt. À place d'avoir du plaisir, il travaillait pour le nôtre présent. Quelle belle version. Et hédoniste par procuration, j'adore ça. Bruno, comment ça se passe ton Tinder? Hey Gilles, va t'asseoir, prends-toi un micro, dude. Je te dirais, là, en ce moment, ça... On se voit pas assez souvent, t'es dans la gang, Gilles, Assieds-toi, arrange-toi confortable. Je sais pas si tu connais le concept, là, mais Bruno, il cherche la vérité sur Tinder. Déjà, il faudrait que je sache quoi ça, Tinder. Oh! On est habitué avec ces affaires-là. Non, c'est sûr. Ça sonne technologie, en tout cas. C'est sûr. C'est de la technologie. Okay. C'est de la technologie pour l'amour. Et puis là, c'est de plus en plus compliqué. Là, je me suis essayé avec quelques personnes. Là, on y va avec une ratée pour tout de suite. Là. Alors, la fille s'appelle Madame A. Alors, je dis « Bonjour, Madame A. Je suis le fils d'un prince du Paraguay. Je suis en exil. Pour des raisons politiques. » Je ne peux malheureusement pas avoir accès à mon argent parce que les banques de mon pays m'empêchent d'entrer dans leur établissement en ne mettant pas d'angle de rampe d'accès pour les chiens à trois pattes, seule monture que j'accepte de monter. J'aurais besoin de ton numéro de magie et ton adresse courriel postal IP, celle que tu veux. Je pourrais, avec ces informations et pour aucune réelle raison valable, récupérer mes 2 350 000 tomales. Donc, j'ai pas eu de réponse. Le tomal étant une monnaie perse. Voilà. Si Pika, tu dis une ratée, tu veux dire, tu parles pas que la madame est ratée. Tu parles non, je veux dire qu'elle m'a délité tout de suite après. L'interaction a été ratée. OK, c'est ça. Let's go next. On va y aller tout de suite avec une autre que ça a pris un petit peu plus de temps avant qu'elle me délite et c'est un petit peu plus long. Alors, Madame J. Bonjour, Madame J. Je vois dans ta description que tu n'as pas de description. Je vais donc faire ce que les gens font et te parler de température pour meubler le temps. La température a été découverte en 1634. Ce fait est peu connu puisque la température partage son année de découverte avec l'année de fondation de la ville de Trois-Rivières. C'était con, hein? Avant cette découverte, les gens n'avaient aucun accès à un moyen de mesurer ce qu'ils ressentaient sur leur peau. Ils vivaient donc dans une planète monoclimatique où on évalue qu'il faisait toujours 23 degrés avec un taux d'humidité de 22%. Elle me répond donc que je suis de même une petite cachetière parce qu'elle avait pas de description. Mais merci, l'info sur la météo. Deuxième chose que j'apprends aujourd'hui. La première, un matin FME, c'est rough. Alors là, on est parti dans elle une... Elle t'a ramené sur terre. Oui, voilà. Donc, moi, je lui dis tout de suite, oui, les matins FME sont rough. Moi, je me suis fait réveiller par une chienne qui jappe à 7 heures le matin. Mais tu devais t'en douter que ce serait rough. Voilà, puis là, j'ai dit, la soirée, elle t'appartient aussi, là, puis tout ça. Et puis là, c'est devenu plate. Et puis... Pendant combien de temps? Et puis là, à un moment donné, je lui ai dit que je commence à lui parler que ça a dû être pas mal plus rough pour le monde qui sont venus ici à pied ou en canot à la recherche de terre fertile. Puis là, je parle pas des premiers colons, là, je parle du reste de ma gang qui est parti il y a un mois, qui devrait arriver demain. J'espère que le FME sera à la hauteur de leurs attentes, comme le premier FME d'ailleurs, de ceux qui sont venus s'installer à Rouyn. Fun fact, il paraît que dans le temps, U2 était encore un groupe émergent. It happened. Et voilà, et puis là, ça s'est pas mal terminé là. quand on parle de U2, effectivement, c'est rare que ça mène en quelque part d'autre. Et puis je vais en faire une troisième tout de suite, elle m'a pas encore répondu. Alors, je sais pas si ça va mener en quelque part. Madame L. Donc, je dis bonjour, Madame L. Je vois que tu veux être heureuse dans la vie parce que dans sa description, il est écrit que son but est d'être heureuse dans la vie. Alors, je lui dis. Ouais. On peut-tu prendre 3 secondes de silence pour réfléchir à ça tout le monde? Je la trouve très spéciale. Ouais, OK. Alors, moi, je lui réponds, je dis moi, je suis plus du genre downer qui s'accroche à sa dépression parce que. Il me reste toujours juste ben ça. Encore. En même temps, je sais pas si c'est nécessairement un obstacle au bonheur. Penses-tu que le bonheur doit nécessairement être accompagné de joie ou est-ce que la dépression peut mener au bonheur? Aussi, je trouve que ton but ultime est très platonicien. Mais comme le disait Platon lui-même, la quête des vertus cardinales pour atteindre le bonheur est peuplée d'embûches morales qui mènent à une remise en question constante. Dans cette optique, est-ce que le bonheur peut rationnellement être un but ultime dans la vie? Je veux dire, don't the fuck? Et là, on est... Et on attend une réponse. On attend. On est anxieux. On te souhaite vraiment l'amour, Bruno. Ouais. Ça, c'est tes deux premières aventures de la journée. Les trois premières aventures de la journée. Voilà, on revient avec plus d'aventures plus tard dans l'émission. Tout le monde ici a très, très hâte. Sinon, ben, on est à 70%. On aime faire rayonner les gens qui participent à la culture québécoise ou autre. Le plus possible. Souvent, il y a de ces oubliés du système qui produisent des choses qui sont peut-être divergentes, mais quand même excellente. Et là-dessus, oui, on va écouter quelque chose qui va vieillir très mal et qu'on est content d'avoir découvert et de vous offrir sur les ondes hertziennes. C'est L'étranger featuring L'Occupé. La toune, c'est On aime la même fille. Astique, c'est bon. On revient dans à peu près 3 minutes et demie. Ça va être Andy qui va nous parler des élections, j'ai l'impression. À 70%, c'est FME 91.9. Je t'aime, Sophie. Je t'aime, Sophie. 2013. 2013. 2013. On aime la même fille. C'est un combat pour la joie de vivre. Elle faut qu'elle choisisse. Mais c'est tough parce qu'on est nice les deux. J'aimerais ça que tu sois ma mienne, que tu sois ma femme, qu'on se tienne par la main, peu importe où on va, que ce soit dans le vieux port ou n'importe où. Moi j'aimerais ça t'amener à Ronde, je sais que t'aimes ça les manèges, que n'importe quelle sorte que t'aimes le plus, que je te le paierais, ça me dérangerait pas même si des fois j'ai pas beaucoup de sous parce que j'ai pas vraiment un gros travail qui me paye beaucoup. Je fais des hamburgers de chez Wendy's, mais au pire, je pourrais essayer de mettre l'argent de bord pour qu'on parte à Gaspésie pour toutes les décans, ça tenterait. Puis si ça tente pas, on peut aller dans une autre place. Je sais que t'as de la famille dans des villes que je connais pas tout le nom par cœur, mais que j'aimerais ça que je les rencontre. On aime la même fille. C'est un combat pour la joie de vivre. Elle faut existe. Mais c'est tough parce qu'on est nice les deux. Les deux, on est nice. J'ai des choses sur le cœur qu'il faut que je te dise. Chaque fois que je te vois, j'ai goût à faire la bise. Mais là, Sophie, on est deux meufs amis qui t'aiment, t'aiment. Pis quand qui parle de toi, moi je me demande c'est qui elle. Mais tout le long, il me cachait ça qu'il t'aimait. Pis moi je t'aime, pis lui il savait. Mais il voulait pas me dire parce qu'il voulait pas me blesser. Fait que là, c'est ça que ça arrive aujourd'hui, pis là, je suis blessé. Sophie, faut que tu choisisses mon entre les deux. Je m'en fous, pis tu sais qu'on est nice, mais tu sais que moi je suis pas un hater. Lui, il bosse et blonde, pis pas moi. Ouais. Sophie, je t'aime, tu sais comment que je suis. J'ai toi, moi pis toi. Toi. C'est la vie. On aime la même fille, c'est un combat pour la joie de vivre. Elle faut qu'elle choisisse, mais c'est top parce qu'on est nice et deux. Quand je sors, j'essaie toujours d'avoir l'air beau, tu sais, parce que, ben, le monde se regarde. L'autre jour, je m'en allais à l'anniversaire d'un de mes amis. J'y avais apporté un gâteau. Et à un moment, je me suis rendu compte que toutes les filles me regardaient comme s'ils voulaient me donner une bougie pour en avoir un morceau. Là, le type que je m'enferme, les pieds dans les escaliers, puis je me retrouve la face écrasée dans ma fierté. Ils ont ri. Douteux.org vous rappelle que de faire attention dans les escaliers, ça marche. Bonsoir Tommy, bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça va bien. Ouais. Tout. Ouais. Hey, y a une très belle population dans le Oui, ça, c'est peuplé, j'aime ça, c'est on s'en va. L'impression de me retrouver à Montréal au brouhaha devant la foule. Ouais, ou juste à Rouen au FME. C'est voyons, ouais. Bien mieux ici. Fuck Montréal, fuck le brouhaha. Drette ça, c'est-tu. Ouais. Vive le parc. Ouais. Dans la patrie de à mes ancêtres. On n'est plus dans le parc. Donc non, on sait tous qu'il y a des élections fédérales qui s'en viennent à grands pas au mois d'octobre. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de ressortir mon livre d'enfant. Parlons de la désobéissance que j'ai retrouvé récemment. Et en lisant le livre... Ça, attends, là, ça, c'est un réel livre pour enfants. Oui. C'est vous le regardez en ce moment. C'est aussi épais qu'un paquet d'allumettes et il y a... Et c'est grelié. Il y a des pages. Oui, c'est grelié et on va parler de la désobéissance. La première chose que j'ai faite en regardant le livre, je dis, oh mon Dieu, si je mets gouvernement au lieu de parents, ça nous apprend comment réagir par rapport au gouvernement. J'aime ça. Et je vais commencer comme suit, donc je vais donc vous lire le texte. Quand tu ne fais pas ce que ton gouvernement te demande, tu lui désobéis. Ton gouvernement a de bonnes raisons de te dire ce que tu dois faire. Il est donc dans ton intérêt de lui obéir. Ton gouvernement t'interdit de faire certaines choses pour éviter que tu te blesses ou que tu blesses les autres. Ton gouvernement te dit ce que tu dois faire parce qu'il ne veut pas que tu abîmes ou que tu détruises tes affaires ou celles des autres. Ton gouvernement te dit que tu dois faire parce que... Ce que tu dois faire parce qu'il veut que ton entourage apprécie ta compagnie. Ah oui. Merci, gouvernement. Ben, merci. Il est là pour ça. Ton gouvernement te dit ce que tu dois faire parce qu'il veut que tu sois juste. À défaut de lui-même. Ton gouvernement te dit ce que tu dois faire parce qu'il t'aime et qu'il ne veut pas ennuyer les personnes de ton entourage. Malgré tout, tu te demandes peut-être parfois « De quel droit mon gouvernement me dit-il ce que je dois faire? » Pourquoi ne pourrais-je pas prendre mes décisions moi-même? Ton gouvernement sait mieux que toi ce que tu dois faire parce qu'il est plus âgé et plus sage que toi. Il vit depuis beaucoup plus longtemps que toi. Et parce qu'il vit depuis plus longtemps, il en sait plus long. Étant donné qu'il a plus d'expérience que toi, il sait généralement ce qu'il convient de faire dans ton intérêt. Avec vous et avec votre esprit. Wow. Et avec votre esprit, pour dire du côté des pas fiables. Ouais. Il vaut mieux que ce soit ton gouvernement qui te dise ce que tu dois faire parce qu'il est responsable de toi. Si tu te fais mal ou si tu fais mal à quelqu'un, on le reprochera peut-être à ton gouvernement. Il se peut qu'on lui demande de réparer les dommages que tu as causés. Pour t'apprendre à obéir, ton gouvernement sera peut-être obligé de te punir quand tu lui désobéiras. Le fait d'être puni te rendra malheureux. Tu regretteras alors d'avoir désobéi. Tu ne voudras plus désobéir à l'avenir. Appel à l'autorité. Wow. Pour éviter de te faire punir, voici quelques suggestions. Demande à ton gouvernement ce qu'il veut que tu fasses. Demande à ton gouvernement ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Écoute ton gouvernement. Sois attentif quand il te parle. Assure-toi que tu comprends bien ce qu'il te demande. Pose-lui des questions si tu n'es pas sûr d'avoir saisi le sens de ton gouvernement. Si tu n'es pas d'accord avec ton gouvernement, inutile de le harceler ou de piquer une crise. Parle-lui gentiment. Ah oui. Laisse-lui le temps de réfléchir à ce que tu as dit. Tes arguments vont peut-être lui changer d'idée. Sinon, n'insiste pas. Non. Si tu persistes en en parler, tu te sentiras frustré et tu mettras ton gouvernement en colère. Une fois que tu as compris ce que ton gouvernement attend de toi, fais ce qu'il te dit. S'il t'arrive de désobéir à ton gouvernement, ne lui mens pas. Les mensonges n'ont jamais rien arrangé. S'il t'arrive de désobéir à ton gouvernement, voici ce que tu devras faire. T'étais mieux d'oublier que de mentir, genre de ce qu'on a vu à date, là. Ouais. Dis-lui la vérité. Ah! Ben, Rob Ford. Idée nouvelle. Dis-lui que tu es sincèrement désolé. Rob Ford. Accepte la punition qu'il t'inflige. Ne sois pas fâché contre lui. N'oublie pas que c'est toi qui as désobéi. Ne tâche de ne plus pas recommencer. Quand tu désobéis à ton gouvernement... Quand tu obéis à ton gouvernement, tu lui fais plaisir et tu agis dans ton propre intérêt. Bravo! Wow! Wow. Merci pour ces beaux mots! Bonne élection, tout le monde! N'oubliez pas, ton gouvernement est là pour toi. Fais-les pas chier. Ce qu'on comprend très bien, d'ailleurs, c'est que l'autorité, c'est un concept qui est fractal. Oui, t'sais. Complètement. Un petit peu comme la même chose, t'es toutou quand t'es jeune. S'ils font pas ce que tu veux faire, ça va mal aller. Ça va très mal aller. Dans le coin. Je vais mettre quelque chose que j'adore. En fait, c'est une toune qui nous vient... du Japon. Ça a été composé par deux madames, mais c'est la trame sonore de Castlevania 1. Oui. Deux sœurs. Et donc, juste au retour, ça va être Gilles et les pas fiables de toute beauté. On est à 70%. CFME 91.9. Faites du bruit, Chris. Bon, ben c'est bien, c'est un plaisir pour nous autres d'être ici ce soir. Certains reconnaîtront ma voix, d'autres pas. Vraiment? Et je salue ma voix et mon... Ma voix. Ma mère et mon père. Je salue ma voix, ben oui, bien sûr. Ah oui, je suis le même. Non, j'ai les Nicole. Ben en fait, Nicole n'est pas là, bien sûr, mais... Si vraiment t'insistes, je pourrais peut-être faire quelque chose ce soir. Ben, ça serait le fun. Ringo. Ben, en fait... Je fasse Ringo. Non. C'est ton nom, là. Ringo, là. Comment qu'on fait Ringo? T'as pas l'air habitué ben, avec des micros. Ben, pas trop être bon. Ça super à dire. Ma calice juste. Et qui est bon. Membre des pas fiables, Ringo. Alors, on va faire une petite chanson qui parle du Canadian Tire. Ah, c'est-tu que j'aime ça, le Canadian Tire? Ouais, il y en a qui aiment ça, le Canadian... tout le temps avec le style de dépliant. Oui, oui, ben oui, ben ça fait ça, entre autres. Ouais. Ça fait ça, ça fait faire ça. Non, mais il y en a-tu qui aiment le Canadian Tire, c'est? Ouais! Un peu d'enthousiasme. Il y en a-tu qui aiment ça? Ouais! Allez, à chaque fois, ça lève, c'est malade. Mais nous autres, ça appartient, en fait, c'est une passion qu'on avait pour gratteux. Je sais pas si. J'ai un trip sur gratteux. Feu gratteux. Feu gratteux. Ouais. Mort? Ben oui, il est décédé. Gratteux, il est mort! Ben là, tu savais pas. Tabarnak. C'est fait écrapou. Non, ben en fait, il jouait une game de Gonette Loup avec Michel Forgette. Oh! Dans l'allée 3, puis en tout cas, ça a mal fini. Ah, c'est tu fuck ma journée en tabarnak. Ben, là, une game de Gonette. Un classique. Let's go, dude. OK, fait que. This one's for you, gratteux. Je commence ça avec toi! Quand je vais au Canadian Tire. Hey, j'ai vraiment raté. On entend rien. Non, on n'entend rien, oui. Je m'entends pas. Tu on peut en faire à Capello. On dit à Capello. OK. À Capello. Quand je vais au Canadian Tire, je vis comme fou, I'm on fire. Je suis le king des outils dans son palais. Oh, c'est la place des hommes, le palace des vrais. Wow, wow, wow, wow. Choubidoubap. Toutes mes chums se tiennent là. Ensemble, on jase de mufflers. Section auto du Canadian Tire. Le tourniquet est en métal chromé. Quand je passe dedans, je me sens possédé. Je me pitche dérangé sans regarder la dépense. L'argent Canadian Tire paiera la balance. Wow, wow, wow, wow. Je commence avec toi. Choubidoubap. Mes économies sont là. Je me suis pris derrière. Avec de l'argent Canadian Tire. Les vis et mon vaisselle me dévisagent. Me disent, achète-nous Gilles pour ton ouvrage. Juste un peu plus loin, y'a des beaux bandits. Que le diable m'emporte si j'suis pas au paradis. Wow, wow, wow, wow. J'commence avec toi. Choubidoubap. Je me sens bien sous ton toit. J'suis tellement heureux que j'en pleure. Oh, complètement marteau du Canadian Tire. Des outils plein les tablettes. Des machettes, des sept hachettes. Des outils, t'en as un tas. Des rabots pour la botte et le bois. T'es ta petite et ta bien faite. Le meilleur ami à Michel Forgette. Gratteux, je m'ennuie, toi et mon gars. J'aurais envie de te prendre dans mes bras. Wow, wow, wow. J'commence avec toi. Choubidoubap. J'peux-tu coucher avec toi? Et si par malheur, un jour je meurs, je veux être enterré au Québec. Kenny Gentile. Rock on. Merci les jeunesse. C'est pas mal au bras. T'es vraiment con. On va prendre ça comme un compliment. Ah, c'est de tout. C'est Dan Bigra. Rigo. C'est pareil. On l'a habillé en hein, Dan Bigra. Ouais, t'as la camisole toute, man. Hein, tu sais. Hey, j'ai essayé d'agresser. J'ai comme mangé fucking full poutine qu'il y avait en face. Tu travailles sur l'odeur avant le reste. Moi, j'embarque dans le rôle. On l'a simplifié. Travaille sans la bière. Hey, c'est vraiment... C'est, j'aime ça. Tu vas chercher une poésie dans un endroit qui nous touche tout le monde. Ben oui, ben c'est certain. C'est un peu ça que j'essaie de faire. T'sais, moi, j'ai cerné les jeunesses, qu'est-ce qu'ils aimaient. Puis, hey, Gilles, est-ce que tu te souviens du gars qu'on connaît, nous deux, qui avait un beau-frère qui avait mis le site du Canadian Tire dans ses favoris sur Internet? Est-ce que ça dit quelque chose? Un certain Marino qui avait. Qui okay, avait je un pensais frère. Que tu parlais de tout le monde en Abitibi. Non, ouais, c'est ça. Peut-être. Parce que moi, c'est la seule application que j'ai sur mon téléphone. En fait, mon téléphone me sert à ça. Avoir l'application. Il l'appelle la machine à Canadian Tire. C'est ça, c'est ma téléphone. Machine à Canadian Tire. Gilles, j'aimerais ça que tu me l'installes tantôt. M'a t'installé ça. Ben, en fait, je t'installerai pas ça. On demandera à quelqu'un. Fait on a une information de Tessier ici qui dit que Rouyn, c'est le premier Canadian Tire au Québec. Il est crédible. C'est un historien. Et voilà, t'es crédible. Ouais. Je dois être un des premiers clients. On peut se féliciter à quelque part. Sinon, mon cher Gilles, je veux dire, on est à 70%, c'est frivole et tout. T'étais venu l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année passée? Est-ce que t'as des nouvelles de Nicole? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Ouais, j'ai entendu des petits « Ouais, fuck all, t'as rien fait. » Puis ils ont pas tort. Mais au moins, l'année passée, je ne pouvais pas l'approcher à moins de 100 mètres. Là, je suis rendu à 50 mètres. Et ouais. Ouais, je voulais t'en parler, on Gilles. On se rapproche. Je voulais t'en parler, Gilles. J'ai fourré Nicole. Bon. Ben, c'est des... Au moins, tu ne l'as fait pas dans le micro. En tout cas, fait Ah, j'ai fait à côté. Cool. Puis elle, avec ton micro, as-tu fait de... Elle n'a pas touché à ton micro, j'espère? Non. Non, c'est, okay. C'est lui qui l'a touché. Ah, en tout cas. Mettons, j'ai fourré Nicole sur Internet. Ah! Je sens la tension qui monte en studio. Ouais, vous allez nous faire une dernière chanson puis aller jouer à tag sucré à quelque part. À tag sucré, c'est quoi ça? Non, mais c'est la tag.sahel probablement. En tout cas, on va gérer ça. Très, très sucré. La tag sauce brune. De quoi tu vas nous chanter? Est-ce qu'on retourne dans un domaine de poésie oubliée? Ah oui, bien tout à fait. C'est pas mal ma spécialité. Donc, je sais pas s'il y en a ici qui aiment ça, les camions. Ouais! Hey, come on, aimez-vous ça, aime les camions? Des camions! OK, fait que c'est... Ben oui, on va faire un petit camionneur de camions. C'est comme un classique qu'on refait toujours. On n'a pas le choix. T'es obligé. Demande spéciale. Ben oui, moi. C'est... c'est ça, c'est un peu en référence au Festival du camionneur de Barreau, c'est ça? OK. Merci, Gilles, pour la demande spéciale. Non, mais ça fait plaisir. Alors, à la maison, ben là, c'est ça. Je vais faire des petits gestes, puis j'aimerais ça qu'à la maison, tout le monde le fasse en même temps. Alors, suivez-nous. Ouais, suivez-nous. Il y a une chorégraphie. Alors, Fais-moi un enfant, Gilles! Oh, shit! Hey, fuck Nicole! T'as-tu vu ça? Hey, non, mais à soir, on a appris... bien mieux. J'ai pas le temps. À soir, on a appris que Nicole est rendue ailleurs et t'as une offre. Fait que l'année prochaine, peut-être qu'on va avoir de quoi de gros. Du développement? De Gilles. Oh, ouais. Il va peut-être avoir des développements. Ça va être Gilles et Groupé. Attention, lâche mon pénis. J'ai pas le temps, je fais de la musique. OK, fait qu'on va poursuivre en chanson. À 70%. À 70%, camionneur de camion. Êtes-vous prêts, camionneur de camion? Ouais! Samedi 5h le matin, le 4 se met à sonner. Je l'arrête, j'étais déjà réveillé. Faut dire que j'étais bien enthousiaste de partir pour faire la pièce. Mon boss m'envoie faire une run on stage. Un soir, il a appelé chez moi pour me proposer une run dans le Maine. Par contre, il faut que tu sois bilingue. Fait que je me suis mis à chanter 3-4 fois. I'm only a camionneur, I'm a big truck driver. A camionneur de camion. When I go on the highway, I sing the same song all day long. Camionneur de camion, de camion. Fait que j'embarque dans mon engin et puis je donne un bon coup de clé. C'est à ce moment-là que je prends mon pied. J'appuie sur le champignon pour que rugisse à l'horizon le bruit terrible de ma 53 pieds. J'arrive aux lignes des USA. C'est là que le douanier m'a demandé: Do you have something to declare? J'ai rien compris, fait que j'ai chanté 3-4 fois. I'm only a camionneur, I'm a big truck driver, a camionneur, a camion. When I go on the highway, sing the same song all night long. Camionneur, a camion, a camion. Être américain pour continuer à camionner les highways du pays de la liberté. C'était la route de ma vie où enfin le destin m'a souri. Qu'est-ce qu'il y a de plus qui pourrait m'arriver? Pour Truck Stop, je décide d'arrêter. Et c'est là que je l'ai rencontré. Une waitress qui s'appelait Nicole. Voici comment je l'ai croisé 3-4 fois. I'm only a camionneur, I'm a big truck driver, a camionneur, a camion. When I go on the highway, sing the same song all night long, camionneur, a camion. Tout le monde! I'm only a camionneur, I'm a big truck driver, a camionneur, a camion. When I go on the highway, sing the same song all night long, camionneur, a camion. Oh, I'm only a camionneur, I'm a big truck driver, a camionneur, a camion. When I go on the highway, sing the same song all night long, camionneur, a camion, a camion. Yeah! Malade! De toute voilà. Beauté. Et merci voilà. Beaucoup, Gilles. Merci à vous autres. De toute beauté. On a hâte de te revoir l'année prochaine. On te souhaite du mieux. On s'envoie l'année prochaine? Hein? Ben, sûrement avant. On va des développements. Et voilà, c'est dit. On est à 70 % et qui dit 70 % dit découverte d'affaires que tu pensais pas qu'il existait. Je sais pas si vous êtes au courant qu'il y a un gars qui s'appelle Johnny Crying qui existe. Ouais. C'est un esti de capoté. On va écouter 1 minute 36. On vous revient à 70 % avec Jean-Patrick Berthiaume et quelque chose sur Camille Sanson. Bonne nuit, quelqu'un miel. Bonne nuit, caca miel. Bonne nuit, caca miel. J'ai bonne nuit, caca miel. Miel. Bonne nuit, caca miel. Caca miel. Et beaucoup caca. Coulisse miel. Bonne nuit, caca miel. Caca miel. Bonne nuit, caca miel. Caca, caca, caca, caca. Miel, miel. Caca miel. Bonne nuit, caca miel. Les coulisses de miel. Les coulisses de miel. Caca miel, bonne nuit caca miel, coulisses de miel, caca miel, caca miel, caca miel, boulou, boulou, boulou, caca miel, coulisses de miel, coulisses de miel, caca miel, caca miel, bonne nuit caca, bonne nuit caca miel, bonne nuit caca miel. Bonne nuit, caca miel. Bonne nuit, caca miel. Bonne nuit, caca miel. Caca miel. Coulisse de caramel. Caramel. Miel. Bonne nuit, caramel. Caramel. Miel. Bonne nuit, coulisse de miel. Miel. Bonne nuit. Oui, oui, oui, oui, oui. Bonne nuit, caca miel. Bonne nuit. Bonne nuit, caca miel. Coulisse de miel. Caca, caca. Ok. Bonne nuit. La 5 à 7 audio. Ah, j'espère qu'il nous reste des auditeurs. Ah oui, j'espère. Après Cacamiel. Cacamiel. Cacamiel. Ah ben c'est ça, me revoilà pour vous parler de Camille Sanson. Salut Jean-Patrick, ben oui, content oui. De te revoir. Un troisième show en trois soirs. Bien entendu, et même un quatrième demain. Écoute, aujourd'hui, c'est pas uniquement Camille Sanson, c'est pour vous montrer un petit peu la démagogie qu'il y avait à l'époque du référendum. Donc évidemment... Là, Camille, le premier ou deuxième? Le premier de mémoire. Le meilleur. Ouais, le c'est meilleur. Ça. Et donc... on s'entend qu'il s'est commis, pas un petit peu, mais j'ai laissé les autres parce qu'il y a des gens intéressants, dont Pierre-Éliott Trudeau à la fin. Alors, ça vaut la peine d'être écouté. Fait que, vas-y, démarre-le tout de suite. On démarre notre extrait ici avec Jean-Patrick. On s'est fait remplir pendant 3 ans par les péquistes qui ont commencé il y a plusieurs années en disant on est des séparatistes. Puis ensuite, les gens aiment pas ça, ils sont devenus des indépendantistes. Puis les gens aiment pas ça, ils sont devenus des souverainistes. Puis après, les gens aiment pas ça, ils sont devenus des souverainistes associés. Puis après ça, ils sont devenus d'égal à égal. On a commencé par les séparatistes, on a dit ça, ben, c'est dangereux, les gens aiment pas ça. Après ça, on a parlé d'indépendance. Oh, indépendance, c'est trop fort, les gens vont avoir peur. Après ça, on dit, ben, souveraineté. Ah oh, non, souveraineté, ils vont avoir peur de ça aussi. Souveraineté association, même si les autres disent non. Et là, on est dans la confusion. La question du PQ est un piège pour mieux prendre la population du Québec. Car ils savent, comme vous et moi, que 80% des Québécois ne veulent pas se séparer du reste du Canada. Puis parce qu'ils savent ça, ils veulent nous poigner autrement en nous faisant dire oui à une question tortueuse, truquée et malhonnête. Je pense au trap à souris que j'étendais quand j'étais petit gars. Hein? Quand on faisait couvrir la trappe, il n'y a pas une souris qui se poignait. Mais on mettait du fromage dessus pour les poigner toutes. Ben eux autres, ils ont ouvert la trappe à souris puis ils ont mis du fromage dessus dans l'espoir qu'on ne voit que le fromage puis qu'on ne voit pas la trappe à souris. Ben on la voit, nous autres, la trappe à souris. Puis on va dire non. Maintenant que le Québec devient adulte, maintenant qu'on commence à avoir des muscles, on va se retourner vers le nationalisme pessimiste, celui qui voit l'avenir en noir, celui qui n'a pas peur, celui qui a peur d'affronter l'avenir, celui qui veut lâcher ce Canada-là et dire « ben c'est à vous, messieurs les Anglais ». Ben pas nous autres, puis pas vous autres, j'espère. Alors voilà, ben c'était... un amalgame de plusieurs. Hein? Ben, amalgame oui, et le mot avec ce qu'il disait. On sentait que c'était quand même du... ouais, ça datait. Hein, oui, ben, tu sais, il y avait même Jean Chrétien au début. Oui. Alors, ben, c'était la partie Camille Samson. Demain, on va l'entendre chanter. C'est parce que j'ai quelque chose d'important à dire. OK. Vois-tu, hier, on a parlé du Parti Rhinocéros. À nouveau, on va en reparler. On prépare une tournée vraiment pan-canadienne qui va se dérouler donc dans les 2 premières semaines du mois d'octobre. Et là, il y a vraiment de plus en plus d'endroits où on va se retrouver. Je vous annonce qu'on est à Kapuskasing, entre autres, qu'on va être à Saint-Jean. Mais ça, c'est plus sûr, Saint-Jean. Je vais le lequel? Retirer. Parce qu'il y en a quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais oh, je vais il le y a plusieurs Saint-Jean, oui. Mais Moose Jaw, ça, je vous le confirme. Okay. Également Vancouver. Parce que là, on est rendu à 35 candidats au travers du Canada et le but de la tournée... 35 qui m'ont donné toute l'information nécessaire, mais okay. Il en reste encore à peu près une quinzaine à vingtaine qui pourraient encore me dire oui. C'est le record, ça? Ben non, le record, c'est les années 80 avec 122 candidats. Ah, c'est big, ça, OK. Ouais, avec une moyenne de 1000 votes par candidat. Je sais pas ça, combien tu n'avais eu, toi? 163. Déjà? 163. Ben, j'étais contre Thomas Mulcair, qu'est-ce que tu peux ouais, faire? Ouais, non, c'est ça. Moi, j'étais contre Bullrich, j'en ai eu 440 quelques. Et ben c'est ça, c'était le meilleur score du parti à la dernière élection. Cette fois-ci, on pense être capable de scorer au moins dans le 1000 pour 1, là, en tout cas, on l'espère. C'est tellement délirant. Mais donc, pour vous revenir sur les publicités, alors, on discutait hier, tu te rappelles, en ondes de choses. Alors là, je vous confirme que ça a été réglé. Tout va bien, vous allez avoir une publicité du tonnerre. Moi, je l'ai vu aujourd'hui. Tommy, franchement, bravo, chapeau. On est bien content. On avance. Écoute, c'est une publicité à tout casser. Tu en as fait passer un extrait la première fois à la radio. Oui. Mais il faut le voir pour le croire. Sincèrement, c'est ouais, le seul commentaire qui me reste à dire sur cette publicité. Puis, ben, je reviens une dernière fois sur le fait qu'on n'a toujours pas de candidat. Hier, on a fait de la... Ben là, on cherchait un petit peu plus offensif. Ouais, ben c'est ça, on va rentrer un petit peu dans la gang. Mais hier, on a fait de la radio un peu pirate, puis il y a quelqu'un qui nous a dit oui. Mais bon, hein, c'est toujours comme ça. En onde, tu dis n'importe quoi. Je me suis fait un boc hier, puis le gars, il a dit, je vais juste prendre un verre d'eau. Je m'en rappelle. Il est parti avec, le site enfant. Chez Dr. V. Salut, Dr. Salut, Dr. On est content de voir Dr. V. Fais-nous donc une face vers le haut, plus, là. Merci beaucoup, Jean-Patrick. Ben, ça fait plaisir, On arrive vers la fin de l'émission. Il nous reste Bruno avec encore des nouvelles du cœur. Ah. En attendant, un petit rap québécois, Steel DK, MCK. On revient en studio à 70% sur les ondes de 91.9. On est très content d'être au CFME. Est-ce que oui? Quel beau festival. Bien d'être plaisir. Ça va tout casser. Yo, ici un petit kid. Tout le monde a les dents. On est qui? Je suis devant des criminels. Fuck les polices me veulent. Car ma conscience me parle. Je frappe sa corde les deuillettes. Mon niveau de la merde. Parce que moi je tourne jamais. Je vais sortir avec la bière. Peu importe où jamais. Fuck les bomb rush. On vit dans ce monde crush. Et moi je tire les keys. Steal les keys. Je lave ton fucking brain. Tu steal les keys. On vient pas dans le max. Fuck ma lavée dans ton manteau. Pour un run avec mon gear. On est un peu des belles manteaux. Mais je suis souvent surveillant. Je vais ma face à l'affiche. Si t'as cagoule. Tu veux pas avoir ma fiche. Fuck les bomb rush. On vit dans ce monde crush. Et moi je tire les keys. Steal les keys. Je lave ton fucking brain. Tu steal les keys. Y'en a qui bug les grains. Y'en a qui fuck nos deals. Y'en a qui fuck des pires. Moi je steal les keys. Si les dépanneurs du chemin Gascon. Si les gars s'ils veulent du beef, on va montrer aux gars qu'on a. Une coupe de bat necron sur le corner. Sur le corner. Qu'est-ce que je fais, c'est pas jeune, sur ta dev, je m'insère. Steal les keys. Y'a ça que mes mains se fassent. Un petit gars à l'appareil, c'est une salope de merde. Qui dit je suis mal élevé, c'est une salope de merde. La soirée, j'ai fucking faim, j'ai drunk en 6 mois. Prends déjà mon estomac, puis me dis merci de boire. Fuck les bomb rush. On vit dans ce monde crush. Et moi, steal les keys. Steal les keys. J'lave ton fucking brain, tu steal les keys. Back in the day, j'fais une fois à l'avance. Tu me dis que c'est inutile, mais au pire, j'avance. Tout j'emmerde, à qui sert, ça me dit, mais t'es gay là. Qu'est-ce que ça veut dire, petit gay, mais c'est drunk killer. Fuck les bomb rush, on vit dans ce monde crush. Et moi j'steal les keys, steal les keys. J'lave ton fucking brain, tu steal les keys. Moi ça me coûte que dalle, parce que j'steal les keys. Mais à jeun, moi j'suis drunk, so est-ce que j't'ai kill. Moi ça me coûte que dalle, parce que j'steal les keys. Mais à jeun, moi j'suis drunk, so est-ce que j't'ai kill. Wow. Ah, de retour à 70% pour Love Me Tender. Ouais, hey, Love Me l'intro, Do. L'intro. Love non, me, non, on la remettra. On l'a déjà entendu. On veut sauver toutes les secondes pour avoir un maximum de potins juteux. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec Monsieur C, qui n'avait pas de description, mais qui avait écrit FR/EN. Ah, quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un message, je l'ai passé dans Google Translate en hindou, en coréen. Pour le ramener en français et le mettre en finlandais. Alors, voici ce que ça donne, version française, avant la traduction en finlandais. Et je vois que vous parlez plusieurs langues, je veux donc finir le travail. Donc ici ou en voyage, pour voir Rouen culture vous vivez. Je aime ma famille et des conseils sur la route. J'ai pas eu de réponse. D'accord. On continue tout de suite avec, je sais pas si vous vous souvenez de Madame E. Oui. De la première journée. Oui, oui. Alors, Madame E, qui me demandait où j'étais pour avoir autant d'enfants fous autour de moi. Alors, je lui ai répondu, je suis à l'hôpital de Malartic. Il y a quelqu'un qui m'a dit de faire cette blague-là aux gens de l'Abitibi et qu'ils comprendraient. Il y a un chien qui nous réveille le matin aussi. Ça, c'est gagnant. Même pas besoin de cadran. J'aime ça la campagne. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je devrais pas appeler Rouen la campagne. Mais ça aussi, je pense que c'est relatif. Et là, elle m'a effacé à ce moment-là. Voilà. Oh non! Ouais, voilà. Donc, je sais pas si c'est la joke de l'hôpital de Malartic ou la joke de campagne qui l'a fait fuir. Je pense que c'est l'hôpital. Tu penses que c'est l'hôpital, toi? Ouais, ça se peut que ce soit ça. Parce que si t'étais de la nouvelle viande, je pense pas que la provenance était... En tout cas, je me comprends. Hey. Continue. Oui. D'accord. Alors, on s'en va vers quelqu'un à qui j'ai un petit peu plus parlé. Je vais essayer de la trouver. Voilà, lave-la. Je me souviens plus c'était quoi ma description, mais elle commence avec « Tu es plus qu'agréable à lire ». 3 points d'exclamation. Oh, quand même, hein? 3 points d'exclamation. Pas 3 points d'exclamation. Alors, je lui réponds « Pourtant, je suis très désagréable à vivre. » Ce sur quoi elle répond « Ah oui ». Et là, j'y vais avec un crime, oui. Je suis incapable de tenir une discussion toutes les fois que je commence à parler à quelqu'un. Je me rends au milieu de mon propos, puis après, je dis quelque chose de complètement 4 roues motrices avec des portes vertes, des portes vertes à suspension pour impressionner votre liqueur. Elle me dit alors, je vois, 3 points d'exclamation. Et j'avoue que ça clash une conversation. 3 points d'exclamation encore. Hey, ça fait 3 fois 3 points d'exclamation. Voilà. C'est beaucoup d'exclamations. Mais en même temps, c'est distrayant et ça rend la consommation d'herbes inutile. Oh. Je lui réponds donc que oui, puis je ne suis même pas payé pour faire ça. Mais le monde a tellement envie d'acheter des affaires quand il parle avec moi. Je considère une carrière en marketing délicieuse seul ou en sauce. Il accompagne à merveille les fèves vertes et les poissons. Les fèves vertes et les poissons. Donc elle me répond, ça semble délicieusement extra et la conversation s'est terminée là-dessus. Et voilà, on va peut-être avoir d'autres nouvelles demain. On va peut-être avoir d'autres nouvelles de elle demain, effectivement. Je pense en fait ça va nous amener à la fin de ce 70%, notre troisième en autre en Joe. Je prends un petit bout de temps pour vous faire du bruit un petit peu. Remercier Bruno, Andy, Jean-Patrick. Il y a Élise qui était là. Dr. V, on est content de te voir. Les deux folles avec un banjo. Allez voir deuxfolles.com. Je remercie également beaucoup Gilles et son pas fiable de ce soir. Guylain, Maria, nos muses. Et voilà. Il me semble que j'oublie une personne qui était là. Élise. Non, je l'ai dit. Non, il l'a nommé. Bon, ben, too bad. Tout bad. Là-dessus, la prochaine émission, bien entendu, c'est Dans ton salon avec Richard Leblanc, Sébastien Pilon, Antoine Denis. Encore? Sébastien Tessier, ça va être dans quelques minutes. En attendant, je vous laisse avec des témoignages de jeunes femmes qui viennent de vivre leur puberté. J'ai l'impression que c'est extrêmement pertinent. Vous avez écouté 70%. Demain, on est de retour à 20h pour une autre émission. Merci, c'est fabuleux le FME. Venez nous voir sur le site pis tout. Et puis on pense, qu'est-ce qui m'arrive? Je me demandais si tout le monde ressentait la même chose que moi. Je me sentais différente parce que je savais pas ce qui allait m'arriver. C'était comme si j'en pouvais plus d'attendre que ça m'arrive. Je me sens grandir. Je sens que je suis en train de devenir une vraie femme. Je m'attendais plus ou moins à ce que ça m'arrive, mais pas tout d'un coup. Au début, quand j'ai commencé à changer, je me sentais bizarre parce que je savais pas ce qui allait m'arriver. À l'école, les garçons nous taquinent tout le temps. Tu sais, et jouer avec les bretelles de notre soutien-gorge, des trucs comme ça, c'est vraiment gênant. Tout m'est arrivé tout d'un coup. J'étais vraiment pas prêt pour ça. C'est comme si la puberté m'avait attaqué. Je remarque les filles bien plus qu'avant. Ma voix casse quand je parle. Elle monte puis elle descend pour un rien. Quand on a beaucoup de poids sur la poitrine, des fois on pense que ça fait plus masculin. Mais d'autres fois, on essaie de le cacher parce qu'on a peur que les filles disent « Waouh, un singe !» ou quelque chose comme ça. Pour les gars comme pour les filles, c'est une période où on se sent souvent timide. Quand je me regarde dans le miroir et que je me vois changer, je suis contente, mais je suis un peu mal à l'aise aussi parce que je suis en train de devenir une femme. Mes seins commençaient à se développer et j'étais vraiment contente de ça. T'es en train de devenir une femme en ce moment, puis tu peux commencer à avoir des enfants, mais pas maintenant. Mes copines m'avaient dit qu'elles avaient dit ça, mais moi je pensais que ce serait comme une coupure, disons. Pas quelque chose qui pourrait durer pendant 6 ou 7 jours. Je pensais saigner seulement pendant quelques heures. Je savais même pas si c'était vraiment mes menstruations, parce qu'il y avait juste un petit peu de sang. Mais j'ai appelé mon amie et elle m'a dit oui, c'est bien ça. Alors là, j'étais certaine. Puis je l'ai dit à ma mère. Elle était toute excitée. C'était comme si tout le monde te surveillait, comme si tout le monde savait que t'es menstruée. Moi, j'ai pas encore commencé. Les menstruations les plus longues m'ont duré 2 semaines. Tout le monde riait de moi parce que ça durait 2 semaines. Ça m'a pris de 3 à 4 mois avant de devenir régulière. Moi, je ne suis pas encore régulière. Je pense que ce serait mieux si les garçons étaient au courant. Ils seraient plus compréhensifs s'ils savaient ce que les filles vivent. J'étais inquiète parce que j'avais entendu dire qu'on commence à avoir des boutons, que la voix change, qu'on grandit un peu et que les gens vont rire de toi et tout ça. Alors j'avais un peu peur de ce qui allait m'arriver. Il y a quelques années, on n'aimait pas tellement les filles, mais maintenant c'est différent. Je crois que c'est important de comprendre ça, les menstruations. Parce que ça fait partie de la vie. Il y a des filles qui n'ont pas encore commencé et sont tout le temps en train de demander comment c'est. Je suis menstruée depuis la 6e année et maintenant je commence à être habituée. Pendant toute ma 6e année, j'étais nerveuse et je pensais que tout le monde le savait. En 7e année, je pensais que tout le monde s'en rendait compte, mais maintenant je suis plus vieille, alors je comprends mieux. Il y a des histoires de grand-mère qui disent que si on porte des tampons, on perd sa virginité. La première fois que j'ai porté un tampon, ça a été assez facile. Mais j'ai pas eu trop de problèmes, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des filles qui avaient eu des problèmes. Moi, je me disais, c'était